Entraînement au DELF A2, production orale, les clés pour le monologue suivi. Exemple. J'ai passé mon bac en 1998. Et après, j'ai commencé des études de droit. Et donc, je suis allé à Rouen. C'est l'université la plus proche, c'est pour ça.